Dieu m'a béni, il m'a envoyé Seed Boy, King SK, Saïdi, les griffes du pouvoir, Yamama Sana, the Lady Boss of Minama World. Captain Mansour, Captain Saïdi, Asia Agito, Joe Zita, Siboya Kaotala Nanawae, Ndengenga Kondie, Nyon Swapsence, Nayo Yangwe, créé des équilibres. Nakatia Vinangaï, mon général Pierre. Vous l'avez pas soucié, zobetez aussi la théo. Eric Makwekwe. Là vraiment, on a habité Ninina Loba. Kanangae, comme il okola, motoya Belinde AVC. Eric Asso, totalement hypnotisé. Saïdi. Noël Mokolo. Gracieux. Makela, na seyo li misamba, akasamba soke peli moto. Rosi Kiwa, kasuka ese na kekata enjou. Kwa yamba na yezo sila chame. Ya Martin Chamuleso, kato sababuwe. Suzi Muka, et pourtant pometa kinga oko sheringa. Ou kwa lelo na zure fi systématique na la. Saidi, si boya ta opesi no affection te. Attention na yo moke ko salanga sana na vivre. Bolingo oppression na yango makasi. Ebe la kamangu mangu kase komalaka na bo. Jise zoro honorable pétrole. Lela eko mi ma detresse. Ma vraiment na yebite nini na loba. Saidi Lettre J, China Rambo, les raïs, Che Guevara, autorité morale. Oh, c'est quoi papa na Marcia? Excellence ZK, papa na Nunez. Cardozo Mwamba Wankena, les Bill Gates aux yeux bleus, Prof Barnabé Kikaya, Sid Boy Nanga, Mamela Kangalo Vetona Misuni, Yami Kuateo, Pardon Boyaki Kanga Mangana Mongongo, Akomi Sangana Fomana Yalinga Kapona Salameni préféré né, Vie d'amour naïe, Oya Tongo Midi Pokwa. Ah, pesa kama bi pwe pwe a gogo. Po fidelite na ye na lembango. DJ Anse. A komisa nga boni na bonki a ba kares. Elvis. Papa mina sa lai lai. Adi Diema. Sa ye di papa na maya. Papa sheri kosi kama ideo. Bukli afsane sa la kayo. Na katia France no linga komo. Talanga provision mando ke silinga. Na konyo tambola makolo na kambanguna. On a commis des armées. Coup sur coup, Emmanuel Chadari. It's good for you, it's good for you. Lady Cass, I love you. Constant Mwamba, I love you. Sid Boy, Manzaka Malion, I need you. Baby, it's good for you. Wandani, Jacques Kiabula, Katwe. Lingue si la kite na mote maye. Jesse Matador. Na wasio. Babo tolinga yo po na mbongo kintzala. Lionel Azur. Na kosinga ye. Nanzambe ya bwaka mo solo loko la manae. Bobby Ekertis Minard. Bato bonso. Ya mo kiliba loko ta bongo ye ba valeur ya bolingo la pesa. Fondation Willy Kitobo Samsoni, agir c'est maintenant. Lola bas en marche, Papa Richard Mouyej Mangaï. Sosa Benga, Baba kele noir. Mazolo la me montema eske ponaf sana. Leoni la lion nedo. Bibi ish kia la constant mutamba. Afsana, mama na maya zolu kayoe. Ambassadeur mika sa kombia dan chalo e linda o mari. Songa e Christian mupemba darli pani. Ya fofo konti. Rachel, putu eras na lela kayo. Nathalie Gracia. Mama na Elena. Aridi Kaombo. Nazole la trezon papa Paris. T'appartient d'un médium américain. Jenny Kakpo, la Togolaise.